ces monnaies hyperlocales ne peuvent pas ne pas être en interaction avec toutes les autres monnaies parce que les gens vont et viennent, parce que les gens ont le choix, parce que voilà, on est dans un monde mondial, quoi qu'on fasse. Et d'ailleurs, théoriquement, mon générateur poétique s'appelle poiétique, en référence au terme de poésie défini par Platon il y a bien longtemps, mais aussi au terme de à la notion d'autopoïèse définie par un biologiste, enfin deux biologistes s'appellent Maturana et Varela dans les années 70, qui travaillaient donc c'est sur les cellules, sur le enfin c'est l'homéostasie des cellules et des organismes vivants. Et donc un système autopoïétique, c'est quoi? C'est un système qui tente à régénérer les conditions de son existence. Donc typiquement une cellule du corps passe le plus clair de son temps à reconstituer sa membrane de façon à garantir son intégrité. Et en gros, c'est voilà ce qu'elle fait, pour simplifier. Donc voilà, une cellule du corps, c'est un système autopoïétique. Et les cellules du corps sont en interaction, évidemment, à travers leur membrane. Évidemment, il y a des interactions locales, donc géométriques, spatiales. Mais aussi, il y a des interactions non locales qui sont à travers le système immunitaire, donc des substances chimiques qui passent des unes aux autres, donc des codes. Donc ces cellules, elles sont soumises à différents types de perspectives, temporelles, spatiales, numériques, le système immunitaire étant représentant l'interaction, enfin, la perspective numérique. Bref, aucune n'est isolée. Et ce que dit Francisco Varela à propos de l'autopoïèse, c'est que deux systèmes autopoïétiques avec une relation forment un seul et même système autopoïétique. Tout est autopoïétique en gros. Et puis là-dedans, il y a les lois de la sélection naturelle qui s'appliquent, avec des mutations, sélection des mutations qui sont adaptées, etc., etc. Bon, et voilà. Donc les monnaies, là, l'efflorescence de monnaie, c'est un peu comme l'explosion précambrienne des espèces, etc. quoi. Ça va fuser de tous les côtés, mais sauf que derrière, sélection naturelle. Et c'est nous qui allons faire la sélection, forcément. En l'occurrence. Nous sommes les acteurs de la sélection. Nous ne pouvons pas faire autrement. À moins de nous bander les yeux, de plus écouter, de plus aller et venir, on est forcément plonger dans cette complexité.